désolé, qui n'a pas songé à sillonner l'immensité azurée. Entre griffes et crocs, ta vie se traîne trop. Si seulement t'avais pu naître oiseau. Le vent se lève et t'enlève pour t'emmener au bout de tes rêves. Planer, s'abandonner aux alizés, la mivre de liberté. Parti, zénith ou nadi, errer sans fin, toujours plus haut et plus loin. T'as le cœur en sommeil, tous les jours sont pareils, trop de nuages qui cachent le soleil. Le vent t'appelle, sors tes ailes pour t'élancer enfin dans le ciel. Et monter vers la lumière.